Les pèlerins gravissent lentement les sentiers de l'ermitage. Les uns joyeux et riches, les autres affamés. Tous recevront du solitaire le conseil ou l'avertissement.